Détail triste. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Il tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme en grande tenue qui l'arrêtait. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul, la porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini, » dit-il tout haut en revenant à lui. « Oui, dans 15 jours, la guillotine, ou se tuer d'ici là. » Madame de Rênal n'était pas blessée mortellement. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme grave, dit à Madame Rênal, « Je réponds de votre vie comme de la mienne. » Elle fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à M. de la Mole avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Mourir ainsi, mais non de ma main. Ce n'était point un péché, pensait Madame de Rênal. Elle n'osait ajouter, et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. À peine fut-elle débarrassée de la présence du chirurgien et de tous les amis accourus en foule, qu'elle fit appeler Elisa, sa femme de chambre. « Le geôlier, lui dit-elle en rougissant beaucoup, est un homme cruel. Sans doute il va le maltraiter, croyant en cela faire une chose agréable pour moi. Cette idée m'est insupportable. Ne pourriez-vous pas remettre au geôlier ce paquet qui contient quelques louis ?» C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut l'humanité du geôlier de Verrières. Un juge parut dans la prison. « J'ai donné la mort avec préméditation, lui dit Julien. J'ai acheté et fait charger les pistolets chez un tel, l'armurier. L'article 1342 du code pénal est clair. Je mérite la mort et je l'attends. » « Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, pensa Julien. Il faut écrire à Mademoiselle de la Mole. Je me suis vengé, lui disait-il. « Malheureusement, mon nom paraîtra dans les journaux et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je mourrai dans 2 mois. La vengeance a été atroce, comme la douleur d'être séparé de vous. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Que ce qui doit se passer soit accompli en secret et sans vous compromettre. Vous prendrez un faux nom et n'aurez pas de confident. S'il vous faut absolument le secours d'un ami, « je vous lègue l'abbé Pirard. 1 an après ma mort, épousez M. de Croisenois. Je vous en prie, je vous l'ordonne comme votre époux. Ne m'écrivez point, je ne répondrai pas. On ne me verra ni parler ni écrire. Vous aurez eu mes dernières paroles comme mes dernières adorations. J.S. » Ce fut après avoir fait partir cette lettre que pour la première fois, Julien, un peu revenu à lui, fut très malheureux. Chacune des espérances de l'ambition dut être arrachée successivement de son cœur par ce grand mot « je mourrai ». Toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation au malheur, et il n'avait eu garde d'oublier celui qui passe pour le plus grand de tous. Après ce raisonnement qui, au bout d'une minute, lui sembla évident, « je n'ai plus rien à faire sur la terre », se dit Julien, et il s'endormit profondément. Vers les 9 heures du soir, le geôlier le réveilla en lui apportant à souper. La vue de cette hypocrisie vulgaire amusa Julien. « Il faut, pensa-t-il, que je lui fasse attendre longtemps les 5 francs qu'il désire pour me vendre sa conscience. » Quand le geôlier vit le repas finir sans tentative de séduction, « l'amitié que j'ai pour vous, monsieur Julien, dit-il d'un air faux et doux, m'oblige à parler. » « Monsieur Julien sera bien content si je lui apprends que Madame de Rênal va mieux. »« Quoi ? Elle n'est pas morte ?» s'écria Julien hors de lui. « Quoi ? Vous ne saviez rien ?» dit le geôlier d'un air stupide qui bientôt devint de la cupidité heureuse. À mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de Madame de Rênal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. « Sortez !» dit-il brusquement. Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée. « Grand Dieu ! Elle n'est pas morte !» s'écria Julien. Et il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qui l'attendait. « Ainsi elle vivra !» se disait-il. « Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer !» Le soir, il n'était plus temps. Une chaise de poste vint le prendre à minuit. Le matin, lorsqu'il arriva à la prison de Besançon, on eut la bonté de le loger dans l'étage supérieur d'un donjon gothique. Le lendemain, il eut un interrogatoire, après quoi, pendant plusieurs jours, on le laissa tranquille. Son âme était calme. Il ne trouvait rien que de simple dans son affaire. « J'ai voulu tuer, je dois être tué. » Sa pensée ne s'arrêta pas davantage à ce raisonnement. Le jugement, la défense, il considérait tout cela comme de légers embarras, des cérémonies ennuyeuses auxquelles il serait temps de songer le jour même. La vie n'était point ennuyeuse pour lui. Il considérait toute chose sous un nouvel aspect. Il n'avait plus d'ambition. Il pensait rarement à Mademoiselle de La Mole. Ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de Madame de Rênal. Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessé à mort. « Chose étonnante !» se disait-il. « Je croyais que par sa lettre à Mademoiselle de La Mole, elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir, et moi de 15 jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. » Dans d'autres instants, il se levait en sursaut de sa chaise. « Si j'avais blessé à mort Madame de Rênal, je me serais tué. J'ai besoin de cette certitude pour ne pas me faire horreur à moi-même. » « Me tuer ? Ma foi non, se dit-il après quelques jours. Napoléon a vécu. D'ailleurs, la vie m'est agréable. Ce séjour est tranquille. Je n'y ai point d'ennuyeux, ajouta-t-il en riant, et il se mit à faire la note des livres qu'il voulait faire venir de Paris. »